Madame, vous ne fermez plus l'œil de la nuit depuis que monsieur est dans votre lit. L'idée de plaquer votre oreiller sur la tête de votre conjoint ne cesse de faire l'aller-retour dans votre esprit. Madame, ne risquez pas de finir en prison votre nuit. Utilisez plutôt Kilikat 300. Grâce à sa molécule issue d'huiles essentielles de poils de chat mouillés combinées à des extraits de cordes vocales de crooners morts irradiés, une seule pilule de Kilikat 300 déposée dans le gosier de votre mari transforme instantanément les pires ronflements de monsieur en doux ronronnements harmonieux. Avec Kilikat 300, c'est l'assurance de passer une nuit calme et reposante, bercée par le doux son de celui qui était finalement votre meilleur compagnon. Attention, il est déconseillé de caresser à rebrousse-poil votre mari pendant que le médicament agit. Kilikat 300 pour des nuits réussies. Kilikat 300 est un médicament des laboratoires Larron.